14.2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? 2. Je suis à Paris depuis hier. Je viens d'arriver. 3. C'est mon hôtel. Il n'est pas luxueux. 4. Vous passiez vos vacances aux Bermudes? 5. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. 6. Ça, là-bas, c'est le Sénat. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Quand Robert était petit, il allait en vacances aux Bermudes. D. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent, mais ils ont sûrement raison. Ça, là, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. D. C'est un petit hôtel dans le quartier latin. Il n'est pas luxueux, mais il est propre et pas très cher. E. Il n'y a pas longtemps que Robert est à Paris. Depuis hier seulement. Il vient d'arriver. F. Ils vont au Luxembourg. Il l'accompagne parce qu'elle lui permet de l'accompagner.